Le monument a offert révolutionnaire des grands hommes pakistanais que brillent à jamais les traces de direction indélébile est inauguré au département de la sécurité du peuple de la province du Chagan. Le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il ont visité les établissements de la sécurité du peuple de la province et ont consacré tout pour le développement des activités pour la sécurité du peuple. Le service inaugural a eu lieu le 28 courant. Y ont pris part les agents de sécurité du peuple, des militaires des forces populaires de l'intérieur et le personnel.